Les petites histoires de Telmi. Trop pressé d'arriver. Ce matin-là, la porte de ma chambre a explosé. La lumière s'est allumée d'un coup et ma couette a été arrachée. J'ai grogné, j'ai serré mon coussin comme un doudou. Mon père a sa façon bien à lui de me réveiller. Debout, c'est les vacances. Dépêche-toi, on part dans 10 minutes. Quelle injustice. Réveillé plus tôt que pour aller à l'école. À 5h du matin. Le premier jour des vacances. Mais mon père est comme ça, stressé dès qu'on part en vacances. Il veut à tout prix éviter les bouchons. Remarquez, moi aussi. Sur la route, dès que l'on ralentit, ou pire, que l'on se retrouve coincé, papa se crispe sur son volant et se ratatine comme une vieille pomme. Et d'un coup, j'ai le droit à un concerto en grognement majeur entrecoupé d'expressions bizarres comme « tête de slip » ou « courge de l'espace ». Même si ça peut faire sourire, ce genre de moment est horrible. Ça me stresse tellement que j'ai des frissons dès qu'il y a un peu trop de voitures devant nous. Alors, pour éviter de passer un sale, long moment, je glisse de mon lit, je bondis dans mes vêtements et je file dans la voiture. Je n'en reviens pas. Même super tôt, il y a du monde sur la route. Il doit y avoir plein de gens stressés des vacances, comme papa. Il a une tête constipée jusqu'à ce qu'on dépasse le premier péage. D'un coup, il y a moins de monde. Il se détend un peu. Mais toutes les 2 minutes, il jette un coup d'œil sur son GPS. Pour lui changer les idées, je lui propose le jeu des devinettes, mais il me dit qu'il préfère se concentrer sur la route. Pour passer le temps, je commence à compter les voitures noires que l'on croise, et sans que je m'en rende compte, je m'endors à la 5e. Debout la loutre, c'est l'heure du petit-déj, dépêche-toi, on repart dans 10 minutes. Papa s'est arrêté sur une aire d'autoroute. J'émerge de la voiture en bâillant et je le suis, les yeux mi-clos jusqu'à la station-service. Il commande un grand café, moi un jus de pomme et un pain au chocolat. Il y a des tas de gens différents. Je pêche des morceaux de conversation et forcément, j'oublie de manger. D'un coup, papa se lève. Allez, Zou, on est parti. Mais papa, j'ai pas terminé. Il fallait te dépêcher, tu termineras dans la voiture. Mais c'est pas pratique. Papa me fait les gros yeux. La porte coulissante s'ouvre, il ne voit pas une vieille dame qui arrive. Et emporté par son élan, il la bouscule si violemment qu'elle manque de tomber. Faites attention, enfin. En voilà les manières. Écoutez, j'ai pas le temps. Trop pressé pour vous excuser. Pardon? Vous auriez dû faire attention. Je suis pressé, moi. Eh bien, si c'est comme ça, je vous maudis. Vous vous perdrez jusqu'à ce que vous soyez moins pressé. Qu'est-ce que vous dites? Rien, rien. Je ne voudrais pas vous mettre en retard, cher monsieur. Vieille chouette. Une fois dans la voiture, papa s'énerve. Il n'y a plus de réseau. Il rallume son téléphone 1 fois, 2 fois, 10 fois avant d'abandonner. Heureusement qu'il connaît le trajet. Sinon, il se serait transformé en monstre cracheur de postillons radioactifs. On reprend la route. D'après papa, on ne devrait pas avoir trop de retard. Sauf que d'un coup, il se met à pleuvoir si fort qu'on n'y voit rien. Papa est obligé de ralentir, ce qu'il chiffonne. Mais aussi brusquement qu'elle est tombée, la pluie s'arrête. Mais un drame se produit. Devant nous, l'autoroute est fermée. On est obligé de sortir par une petite route. Papa a un sourire si crispé que j'ai l'impression qu'il va étouffer ou exploser. Pour le sauver, j'essaie de positiver. Je suis sûr qu'on perdra pas trop de temps. Sauf si on tombe sur un vieux tracteur ou un gros camion. Par chance, on ne croise personne. On suit les panneaux de déviation qui nous font serpenter à travers un paysage plein de céréales, de fleurs, de chevaux, de vaches et de moutons. Au bout d'un moment, le bitume se transforme en chemin de terre qui nous amène dans un minuscule village qui, redrame, est un cul-de-sac. Papa reste muet. Je repense à la vieille dame. On est maudit. On se perdra sur la route pour toujours, et je n'ai pas du tout envie de finir vieux dans une voiture, moi. Soudain, on frappe à ma fenêtre. Je sursaute et je hurle. Ce n'est qu'un vieux monsieur. « C'est pas banal de voir des gens par ici !»« On s'est perdu. On veut aller à Vieux-les-Lacs. »« Ah ben c'est chez nous. Il n'y a que des vieux. »« Nous sommes pressés. »« Même en vacances ? » ?»« C'est un peu dommage, non ?»« Venez, je vais vous montrer comment y aller. »« Merci. » Je n'avais jamais vu quelqu'un marcher aussi lentement. Forcément, papa lève les yeux au ciel en soupirant. « Vous voulez quelque chose à boire ?»« Non, merci, on n'a vraiment pas le temps. »« Même pas un café ? Et votre fils ? Un jus ? » ?»« Oh oui, un jus !»« Bon, allez, d'accord. »« Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ?»« Nous nous sommes perdus. »« Oh oui, je me souviens. » À mon âge, parfois, ça déconnecte là-haut. Avec sa rapidité d'escargot, il sort une vieille carte jaunie l'étale sur la table et la consulte un moment en se frottant le menton. Papa se pince l'arête du nez en fermant les yeux. Alors, passé par les hauteurs, il y a un point de vue magnifique. Après, profitez-en pour vous arrêter ici. Il y a une cascade splendide, un vrai coin de paradis. Oh, et c'est très très gentil, mais on n'aura pas le temps. Le vieux monsieur lui répond avec un large sourire qui le fait ressembler à une vieille tortue. Puis il lui explique comment rejoindre notre destination. Vous allez avoir faim. Il n'y a pas de restaurant sur la route. On mangera en arrivant. Parfait, je vais vous faire des sandwichs. Mais je... Avec du saucisson ou juste des légumes? Comme vous voulez. En cadeau bonus, on a eu le droit à des pêches, des prunes et des fraises. La voiture sentait l'été. Papa avait presque le sourire. Dis pas, on peut s'arrêter voir la vallée? Non, on va être... Juste une minute, pas plus. Le panorama donnait sur une incroyable forêt d'émeraudes, avec tellement de nuances de vert qu'elle semblait magique. Forcément, avant de partir, je prends une photo avec le téléphone de papa. Et là, j'en reviens pas. On est resté 5 minutes. En reprenant la route, papa semblait plus détendu. Alors, après une longue réflexion à base de tortillage de doigts, je tente un truc incroyable. Dis pas, on peut s'arrêter à la cascade pour manger? Après une bonne demi-heure de route, papa s'arrête sur le bas-côté. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne voulais pas aller à la cascade? Mais on ne reste pas plus de 10 minutes, hein? Elle devrait se trouver au bout de ce chemin. On emprunte un petit sentier mal entretenu qui monte fort. À mesure que l'on avance, le bruit de la cascade est plus clair. Mon cœur bat de plus en plus vite. On débouche dans une clairière qui cache un trésor. Une cascade tout en lumière qui se jette dans un bassin d'eau turquoise. Pendant qu'on mange nos sandwichs, papa regarde le paysage, les yeux dans le vague. Ça va? Oui, ça me rappelle plein de souvenirs. T'es déjà venu ici? Non, mais ça me rappelle ta mère. Il me raconte que maman était une chasseuse de cascades. Elle les adorait, à tel point qu'elle avait fait une liste de toutes celles qu'elle voulait voir dans sa vie. Sa préférée, c'était la première qu'ils avaient découverte ensemble, la cascade de Plitvice en Croatie. Un lieu magique, où des collines verdoyantes sont séparées par une dizaine de lacs reliés par une centaine de cascades. Tu crois qu'elle aurait aimé celle-là? C'est sûr. Avec des yeux tout brillants, il continue de me raconter d'autres voyages. Et puis, à un moment, je regarde sa montre et je sursaute, paniqué. Oh, mais t'as vu l'heure? On est en retard! Pas grave. En voyant ma tête de chouette ahurie, papa rigole et se lève lentement. Mais tu as raison. Allons-y. Dans 1 kilomètre, tournez à droite. Le GPS marchait à nouveau. D'un coup, je repense à la vieille dame. Je ne sais pas si elle nous avait vraiment jeté un sort, mais si elle l'avait fait, c'était le plus chouette du monde. C'était une petite histoire de Tell Me. Écrite par Mathieu Genel et racontée par Arnaud Guillou. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. À la semaine prochaine !